Bruno des Baumettes. Le journal d'un détenu au quartier des Isolés à la prison des Baumettes à Marseille. Il ne faut pas nous juger, d'autres le feront pour vous. Je transcris ici le journal que j'ai tenu pendant les 3 mois et 19 jours pendant lesquels j'ai été incarcéré, en détention provisoire, à la prison des Baumettes. Je ne développerai pas ici les raisons de ma détention. Il me suffit de dire que j'étais détenu au deuxième nord du bâtiment A, une aile réservée aux détenus isolés, les pointeurs, les violeurs, les détraqués et autres qui sont mis là parce qu'ils ne peuvent pas, pour des raisons de sécurité, voire de vie ou de mort, être mélangés avec les autres détenus de droit commun. Ce journal est dédié à tous mes compagnons grâce auxquels j'ai survécu, dans le quartier des Isolés des Baumettes. Ce contrée de pointeurs, c'est paria des prisons. Votre humanité m'a permis de tenir et d'exister. Merci à vous. Tous les noms et prénoms employés sont fictifs. Seuls ceux qui y vécurent peut-être s'y reconnaîtront. Au bord du gouffre, une plume échappée à l'aile de l'archange était restée et frissonnait. L'ange l'avait dit. Seigneur, faut-il qu'elle aille elle aussi, dans l'abîme? Dieu leva la main et répondit. Ne jetez pas ce qui n'est pas tombé. D'après Victor Hugo, la fin de Satan. Vendredi 31 août. On vient me sortir des geôles du tribunal, le TGI. Il doit être 5 heures de l'après-midi. L'éclat du ciel est aveuglant encore à cette heure-là. Depuis 3 jours, je suis en garde à vue. La nuit, j'ai dormi dans les cellules de l'évêché, non traditionnelles du commissariat central de Marseille. Le jour, ce furent les interrogatoires, ça n'en finissait pas. Ce matin, les flics m'ont amené ici, au TGI. À midi on m'a servi un sandwich. J'ai été enfermé la journée entière dans une geôle sans lumière. Mon audition a été courte. Je n'ai vu qu'une heure une juge d'instruction, et puis la juge des libertés, qui m'ont bien signifié ma mise en examen et le mandat de dépôt. Une formalité en somme. À présent, je sors menotté dans cette grande cour, je suis d'autres hommes menottés eux aussi, entourés d'uniformes. Me voilà bien escorté. Dehors, le soleil me submerge. J'ai envie de vomir. Heureusement que je n'ai rien dans l'estomac. On me monte dans le fourgon cellulaire, c'est parti. Direction les Baumettes.